Le groupe national de pèlerinage des jeunes élèves qui visite les anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont-Bektou est arrivé le 19 juin au sommet du Mont Sacré de la Révolution. Au cours de la marche, le groupe qui a quitté Hissan le 9 dernier a déposé les corbeilles et bouquets de fleurs et s'est incliné devant les statues en bronze du président Kim Il-sung à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Potsombo, au grand monument de Samdion, au monument à la bataille du secteur de Musan. Au sommet du Bektou, il a tenu un meeting et juré de continuer la marche au Bektou en suivant la direction du maréchal Kim Jong-un. Il a visité la centrale numéro 1 des jeunes héros de Bektusan, organisé l'exposé des souvenirs des partisans anti-japonais et un concours de chants révolutionnaires et aider la vie des vétérans de guerre, des anciens militaires blessés d'honneur, des familles et des militaires de l'armée populaire. Derrière le drapeau rouge, il s'est dirigé vers la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du Mont Bektou.